Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que consulter la liste de toutes les chansons jouées via le CISM893.ca et l'application mobile de CISM. Bonjour à toi, cher auditeur de La Marge. Et oui, tu écoutes Critique de Crowd avec Jolaine Ruet jusqu'à 4 heures. Bienvenue en cette nouvelle saison automnale. Ben oui, on commence ça en force en cette 16e saison consécutive de Critique de Crowd. 5 ans déjà! Je capote beaucoup. Et si c'est la première fois que tu écoutes l'émission, ben ça tombe quand même bien. Ben oui, parce que c'est tout nouveau, c'est tout frais. Ou presque, là, en 5 ans. Mais oui, toujours le même bon concept de critiquer les foules. Je t'observe. Je t'aime, Crowd. Je te le dis tout le temps. Et justement, en ces 5 ans, j'ai envie de parler de toi, foule auditeur de La Marge. Parce que, ben, on se voit pas. Contrairement à la Crowd que je critique en spectacle, devant un band de musique. Ben là, tu sais, il se passe des affaires. Mais là, c'est une relation tout à fait particulière qu'il y a entre la radio et ceux qui l'écoutent. C'est à suivre. Et c'est aussi à suivre pour le lancement de programmation qu'il y a eu hier au Vinyl Shop, et on a souligné, on a souligné avec bien de l'émotion des départs, mais peut-être des départs à suivre, tu sais, hein, on dit jamais 100% adieu à CISM. Et sinon, quand je dis on commence en force et on commence tout en frais, c'est parce que, hein, on va pas juste compter des vieuses anecdotes, là, Critique de Crowd cette semaine, no! Parce que jeudi dernier, je suis allée voir Descendants, je suis bien heureuse d'avoir été présente au Metropolis pour ce spectacle merveilleux. Alors, une très belle critique à suivre. Et on va commencer en musique avec une chanson que j'ai déjà beaucoup trop écoutée et que je réécouterai jusqu'à la sortie de l'album Bonsoir Shérif, et nul autre que Kid Kuna, que j'aime de tout mon cœur. Et c'est drôle parce que il y a cinq ans, du plaisir et des bombes, il me semble que c'est à peu près dans les années. Oui, il me semble que c'est ça que ça date. j'ai tellement pas le décompte avec les années, mais il me semble que c'est dans mes premières critiques de Crowd. Et j'aime tellement les ghouls et j'aime tellement Kid Kuna en solo que j'avais été super heureuse de le voir. Je crois que c'était un showcase genre à Pop Montréal, dans une salle que je suis jamais retournée parce que ça fermait. Mais ouais, je suis très très emballée d'entendre ces nouvelles chansons. C'est un amour qui se reconfirme d'écoute en écoute. Alors j'espère que vous allez l'apprécier. Bonsoir Shérif. Mon père est pays, ma mère est patrie. Mon père est drapeau, ma mère est chaos. Mon père est profit, ma mère est crédit. Mon père est maro, ma mère est macro. Mon père est pourri, ma mère est mépris. Mon père est barreau, ma mère est cachot. Mon père est tuerie, ma mère est boucherie. Mes yeux sont tarés, et moi je vais pas voter. Je suis tout des papiers, je suis aussi merveilleux, ce Kid Kuna. Et effectivement, du plaisir et des bombes, ça date des tout débuts de Critique de Crowd de 2012, la parution de son dernier album solo, si on ne compte pas Voyage d'hiver, mais ça compte tout à fait, fait que, hein! Et c'est... Sinon, ben oui, vous écoutez toujours Critique de Crowd sur les ondes de La Marge. Je le mentionne souvent, hein, La Marge, je l'aime beaucoup. C'est ISM, c'est devenu comme une part assez importante pour moi. Puis la place des auditeurs de La Marge, c'est pas pour rien que je vous remercie souvent en fin d'émission de réécouter semaine après semaine Critique de Crowd et c'est ISM en général parce que c'est drôle la radio. Tu sais, là, je jase de mon bord, puis toi, ben en général, t'es en char, tu sais, 2h30, il y a le trafic, ou t'es dans ton bureau, puis tu trouves ça un peu beige, puis la radio, ça aide beaucoup. Ou t'écoutes le podcast, puis tu fais ce que tu veux de ta vie, ou il y a plein d'autres raisons pour lesquelles tu écoutes la radio un jeudi de 2h30 à 4h. Et c'est parfait comme ça. Et c'est ça qui est fou, tu peux faire plein d'affaires, tu peux être, oh mon Dieu, de tout goût confondu. C'est aussi ça la magie de CISM, d'attirer des mélomanes de tout horizon. Alors, je te connais et je te connais à la fois très peu. Je sais, c'est drôle. Je dis quand même que je connais parce que je crois quand même que je suis quand même en connaissance d'une coupe d'habitués de Critique de Crowd. Et je vous remercie parce que déjà, juste écrire à quelqu'un qui fait de la radio, je trouve ça comme unique et original, mais ça me permet toujours de savoir à qui j'ai affaire en quelque sorte. Et c'est surtout parce que la toute première fois que j'ai eu des nouvelles d'un auditeur de CISM, ça a été une expérience catastrophique. Ouais, quand j'ai commencé Critique de Crowd, je me suis dit oh, c'est ça qui est, c'est ça, tu sais, c'était même plus un humain là, c'était ça. Ah, c'est ça qui écoute La Marge. Oups. Revenons à la base. Alors, nous sommes en automne 2012. C'est à ma troisième émission, deuxième en direct. Et. Bon, je crois que, comme tout débutant, on fait des gaffes. C'est comme la moindre des choses. Ça va ensemble. Faut apprendre le métier. Et déjà, en partant, j'ai un anglais pitoyable qui s'est tranquillement pas vite amélioré. Et je continue toujours à essayer de m'améliorer. Tu vois, là, je suis toujours pas comme atteint une coche où je suis bonne. J'essaye juste de m'améliorer. Et je m'étais dit, étant donné que je sais pas les bagages de chaque auditeur, que ça peut être une bonne idée de faire un micro sur le vocabulaire crowdien. Tu sais, stage dive, body surf. Et justement, stage dive, je l'avais massacré à l'époque en disant stage diving. Et parce que je trouvais que ça faisait très divin de sauter de la scène jusqu'à la foule. Alors je répétais stage diving sans arrêt. Oh mon Dieu, puis là, je le disais de façon très, très assumée. Jusqu'à ce que, évidemment, je mets de la musique et il y a quelqu'un qui m'appelle. Ce n'était pas exactement mon premier téléphone en direct au 514-343-2476. Ouais, ce téléphone-là. Parce que, un micro avant, il y a quelqu'un qui m'appelle. Il me dit, moi, j'ai 32 ans, je suis gelé. Pis j'adore ce que tu fais. Genre, j'aime ça, c'est ISM, c'est malade. Là, j'étais comme, ah, OK. Tu sais, c'est un peu particulier qu'il mentionne son âge et, son état physique. Je me disais, d'accord, enchanté. Ah, c'est sympathique. Et, oui, c'est la même personne qui m'a rappelé pour me faire la morale. Il a dit, là, petite fille, j'ai 32 ans, je suis gelée, mais tu me feras pas la leçon sur mon rock'n'roll. Et j'ai véritablement, ça a été le cas, parce que j'étais comme, ah ouais, mon anglais est pourri, fait que là, j'expliquais tout n'importe comment. Alors, le souci du travail bien fait, ça a commencé assez vite à Critique de Crowd, même si je déparle tout le temps, je dis des mots tout croche encore, sache que derrière toutes ces erreurs, il y a eu du travail avant, et c'est peut-être juste la magie du direct qui fait des fois qu'on s'enfarge dans sa propre langue. Mais il m'a marqué, cet auditeur-là. J'espère que, t'es moins gelé peut-être, mais non, fais ce que tu veux de ta vie. Mais vraiment, il m'avait marqué, mais aussi ça m'avait fait un drôle de sentiment parce que ça a été pratiquement le seul auditeur qui n'était pas sympathique. Je suis tellement heureuse de découvrir à chaque fois des nouveaux auditeurs que je rencontre dans la foule et qui sont si gentils, sympathiques, généreux. Vraiment, quand je dis que vous êtes la meilleure crowd, c'est le cas! J'ai exactement en tête la fois que je me suis fait sauver les fesses par un auditeur de La Marge. Je vous l'ai déjà conté pour ceux qui écoutent souvent l'émission, mais reste que, oui, j'étais au Déboulot Fest et il y avait du papier de toilette qui qui traînait à côté des toilettes. Puis là, je fais « Ah ouais, Festival Punk, ça va être drôle, je vais le lancer dans la foule. Ça va faire une belle ribombelle, tu sais, ça va tourner, le papier, magie, incroyable. » Mais le gardien de sécurité avait pas le même opinion sur le sujet que moi. Alors, il m'avait comme couru après, et là, j'ai couru encore plus vite jusqu'à ce qu'un certain Donald arrête le gardien de sécurité qui voulait me mettre dehors du festival. Il était comme « Là, faut pas voler du papier de toilette ici, là, tu te prends pour qui, toi? » Puis le cher auditeur, ben, il l'a pris, puis il a dit « Non, non, non, vous comprenez pas, elle est professionnelle, elle a fait ça pour la radio. » Oui, oui, oui, moi, je fais ça, prendre du papier de toilette, le lancer dans la foule à des fins professionnelles. C'était... quand je dis qu'il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé les fesses, mais quand même, je le remercie. Ça me prouve aussi comment c'est un festival familial, accueillant, chaleureux, le Déblo Fest, c'est la deuxième année que j'y vais, puis vraiment, l'expérience se confirme. Par contre, ce cher auditeur m'a dit cette année qu'il me protégeait plus, là. Faut pas trop que je fasse de niaiseries. Merci. Merci, cher auditeur, aussi, de me rappeler la sagesse. Et sinon, c'est drôle. Tu sais, quand je parle de proximité, je crois, entre CISM et ses auditeurs, ça va au-delà même de la... de la radio, même du concept de critique de crowd. Il y a même quelques semaines, je parlais de cactus, oh mon Dieu, durant les nuits d'Afrique, et j'ai parlé que mon cactus chez nous dépérissait. Et j'ai eu le message d'un auditeur qui m'a donné plein de conseils parce que c'est sa job. Pire que ça, sa job était à l'extérieur de Montréal. Puis là, j'ai dit, mais je peux pas me déplacer pour acheter les fameux ingrédients magiques qui ressuscitent des cactus. Et il m'a même référé à son compétiteur. Il a dit, c'est bien juste parce que j'aime écouter critique de crowd. Je vais te suggérer le compétiteur. Je t'ai pas retenu de nouvelles en passant. Mes cactus, ben, c'est sûr, ils sont devenus comme deux. C'était comme un cactus en trois parties. Le tronc, il est mort. Hein? Mais la magie de la nature a fait en sorte que d'autres cactus qui ont poussé dessus. Moi, je comprends rien. Je comprends rien, mais je suis comme, ah! La nature fait des choses qui me dépassent complètement. Et je le remercie pour les conseils parce que oui, les replanter, c'est quand même efficace. Vraiment, vraiment, quand je dis ouvert, gentil, généreux, c'est exactement ça. Ça sort tellement de nulle part. Je sais pas c'est comment dans les autres radios, mais je crois qu'il n'y a pas la proximité pour soigner ces cactus ailleurs qu'à CISM. Et là, mon Dieu, je viens de mentionner extérieur de Montréal égale Jolene n'est pas... Oui, je suis très montréalaise là-dessus, là. J'ai pas de voiture, transport en commun. Fait que demande-moi pas d'aller voir de la crowd trop loin de chez nous. Et peut-être que je le répétais plus à l'époque, mais deux fois plutôt qu'une, on m'a proposé des lifts! Il faisait, ouais, si tu veux aller, je sais pas moi, à Repentigny ou... Rive-Sud, Rive-Nord. Là, je me dis comme, c'est sympathique, mais faut que le show y adonne, puis que la personne aussi, ça y adonne. Mais ça, que pour demander un lift à quelqu'un que te l'a proposé 6 mois avant, c'est un peu drôle. En tout cas, vous pouvez me le confirmer. Fait que si c'était vous qui m'aviez proposé des lifts, ben, reconfirme, tu dis, ouais, moi, je peux faire ton taxi, ça va me faire bien plaisir. Puis je vais trouver ça encore à la fois un peu absurde, mais extrêmement drôle et sympathique, parce que c'est comme, quand est-ce que ça arrive qu'il y a des gens qui écoutent ton émission puis te proposent des lifts pour mieux avoir du contenu pour l'émission? Un bon cercle vicieux. Vraiment, c'est ISM, mais pas trop toujours. Surtout parce que dernièrement, et ça, c'est un extrêmement beau message que j'ai reçu sur le courriel de critique de crowd. Ben oui, c'est un auditeur qui est tout récent. Ben, pas pour rien que je réexplique le concept semaine après semaine. Qui m'a dit qu'il écoutait religieusement le 98.5 jusqu'à ce qu'un certain animateur se fasse mettre dehors. Fait que là, c'était plus intéressant. Et là, pop, tourne le petit piton de la radio. Oui, ça, c'était mon onomatopée pour tourner un piton de radio. Fait que là, il faisait crrr, crrr, bon, un autre bruit de radio. Fait que bref, vous aurez compris qu'il a changé jusqu'à CISM, puis boum! Il a redécouvert la station et recoup de cœur. Je trouve ça extrêmement beau. Et encore une fois, merci, il s'appelle Eric. Merci, Eric, de ces très, très bons mots. À chaque fois, ça me rappelle que je parle pas pour rien. Je parle à des gens et qu'ils l'apprécient. Et en 5 ans, ouais, des fois, je me dis, pourquoi critique de crowd? Mais c'est aussi pour... divertir. Des fois, ça peut sonner creux, hein, le divertissement. Mais je crois qu'à travers la foule, il y a une compréhension des gens et de l'être humain qui est merveilleuse. Et je peux pas le parler de façon sérieuse. Je suis pas capable. Fait que tant mieux si vous l'appréciez dans mon delivery. C'est un honneur. Je suis heureuse de vous parler. Je suis heureuse d'être sur les ondes de la marge. Fait que pendant que je vais être émue, on va écouter Christine de Junior. Parce que oui, il faut rendre honneur à Christine Fortier. Alors, on va écouter Christine. Thank you. avec toi. Christine de Junior sur les ondes de CISM. Ah, c'était mon premier hommage pour Christine Fortier. Parce que oui, hier, c'est encore tout frais, c'était le lancement de programmation automnale au Vinyl Shop. C'est toujours agréable de vous voir, crowd. Ben oui, il y a pas juste les animateurs de CISM qui se pointent au lancement. Je tiens à le mentionner, vous êtes toujours le bienvenu. Peut-être vous vous gênez. Il ne faut pas, comme dit l'expression, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. D'autant plus, parce que là, on remettait, mon Dieu, un trophée. Moi, j'appelle ça un trophée parce que 20 ans d'animation à CISM, c'est une victoire en soi. Parce que moi, ça fait 5 ans officiellement, là, aujourd'hui. Je suis comme, je capote beaucoup d'avoir fait 5 ans parce que je pense que c'est mon plus long projet en date de vie à part être vivante. Fait que ça, puis avoir fini mes études secondaires, là. Mais vous comprenez, il y a 5 ans, je trouve que ça fait beaucoup. Mais ce n'est que le corps de tout ce que fait Christine à la station. 20 ans d'animation du grimoire du métal. 20 ans d'avoir couvert la scène à Montréal et qui a été, mon Dieu, si changeante dans ces 20 années-là, même des créations de genres musicaux. Je trouve ça incroyable d'avoir pu y assister comme ça. Christine, c'est une référence. C'est une référence. Et surtout, ce qui fait que je suis, encore une fois, heureuse d'animer à la station, c'est que c'est devenu ma référence. Parce que tous les animateurs, c'est une méchante grosse crowd. Et c'est tous des références à mes yeux et à mon cœur. Ils sont spécialisés dans leurs genres musicaux et leur jaser, ben écoute, c'est comme ouvrir un robinet, là. Tu sais, ça part pis des heures et des heures d'apprentissage musical. Ah, je vous le dis parce que la limite est si mince entre être animateur et être auditeur. Il y a plusieurs animateurs qui ont commencé à juste écouter CISM qui étaient comme, ça a l'air le fun! Et comme de fait, ils le sont devenus. Alors, je sais que là, les dates sont pas mal finies, là. C'est le début de la saison, mais hey, surveille celle de l'hiver. C'est un bon moment pour rentrer et animer à la station. Mais hélas, ouais, effectivement, vous n'aurez pas la chance de côtoyer notre chère Christine, que je remercie encore pour toutes ces années. C'est sûr que moi, ça fait pas longtemps que je suis à la station, alors j'ai l'impression que je n'ai apprécié que la pointe de l'iceberg de toutes les connaissances qu'ont Christine. Sinon, vous allez me dire, cher auditeur, de la marge, hey, le lancement, il y avait des animateurs, il y avait de la crowd, il y avait des vinyles, fait que c'était bien le fun. Oui, comme de fait, et j'ai même croisé, je vous dis croisé, plutôt, ils m'ont pas tombé dessus, là, mais c'est quasiment, hey, t'es Jolène Ruet, puis tu te ressembles pas comme à la radio. Et là, on a fait le constat qu'à la radio, c'est bien difficile de reconnaître les gens, mais mes félicitations, j'avais même pas qu'on va à la bouche. Je crois que j'avais pas encore ri, parce que quand même, on peut me repérer au son dans une foule, je concède. Alors, je salue, hey mon Dieu, je me rappelle plus de vos noms, mais c'était bien sympathique de vous jaser. Je crois qu'il voulait se proclamer des vieux de la vieille de la station, parce que ça faisait 10 000 ans qu'il l'écoutait, des vieux de la vieille. Je le mentionne l'âge, parce que, tu sais, en même temps, j'ai vraiment l'impression que l'âge est très, très varié chez les auditeurs de la station. Mais, il y a des genres musicaux peut-être qui peuvent apparaître. C'est sûr que dans une crowd de dubstep, ouais, tu sais, c'est rare qu'il y a des quinquagénaires. Mais, par exemple, dans le milieu hip-hop, ben, ça pourrait être quand même moins original, dépendamment les groupes, dépendamment les artistes qui, des fois, peuvent être associés à de la musique de, mettons des guillemets, jeune. Et ces chers auditeurs que j'ai croisés au lancement de programmation m'ont conté qu'il était allé au fameux lancement de Lord Larry Hagis. Je dis le fameux parce que c'était dans un garage, puis ça avait l'air assez fou, merci, de les voir rapper sur le top d'une voiture. Puis il il m'a dit que Loud, quand il l'a croisé, je pense qu'il voulait juste comme le féliciter, il a dit « Ah, oh, mes parents sont là! » Fait qu'il a dit ça peut-être à un fan, mais non, c'est pas l'ami de ses parents, c'était juste un fan, point. Et c'est aussi drôle parce qu'il m'a conté qu'il avait croisé des amis de ses enfants. Alors ouais, c'est pour moi peut-être, mon Dieu, un espoir que j'ai dans les années à venir. Les événements à Montréal sont devenus de plus en plus familiales parce que les mélomanes, ben, grandissent, vieillissent, ont des familles, des enfants, puis ils veulent les traîner, pis amener leur passion. Ce qui m'amène à croire que, ben, plus le temps va aller, plus les mélomanes et tous les gens qui vont assister à des spectacles ne seront pas nécessairement comme de la petite jeunesse. Je peux me permettre l'expression. Mais qu'il y aura aussi, oui, des gens de tous les âges qui ont juste encore envie de sortir. J'espère et je vous félicite, je vous remercie d'aller voir des shows parce que le cœur vous en dit, vous, chers auditeurs, c'est vraiment décevant, je me rappelle plus de vos noms, mais tout simplement parce que la fameuse expression « Ah, ben là, c'est plus rendu de mon âge, là. » Non, je déteste cette phrase-là. Et à Descendants, critique que je vais vous faire après les publicités, ben, je savais plus. Sur le coup, je me suis dit « Va-tu avoir des gens de tous les âges, des gens plus vieux parce que le band existe depuis 77? » Ou genre, ceux de 77 sont comme « Ah, ben là, nous, on sort plus parce qu'on est passé à d'autres choses. C'était notre jeunesse. Ah. » Je trouve que c'est des réponses un peu dommages. Mais non, faut pas gâcher le plaisir juste parce que le temps passe. Il faut continuer d'apprécier la musique en spectacle. Alors, bravo à vous. Yes! Puis on va continuer en musique. Là, je rends vraiment hommage à Christine parce que je vais passer des groupes qu'elle m'a fait découvrir. Du métal! Et en français! Et en français parce que le premier band, c'est un band de France. Alors, les morsures de Cerbère sont de Benighted. On fait affaire à du brutal death metal. Puis sinon, c'est les bons Québécois de Beyond Creation. Allez écouter l'album, il est vraiment excellent. Mais je dis là, ils ont deux albums. Et on va aller écouter Le Détenteur. Je suis la maison. Sound Creation et Benighted sur les ondes de la marge. Après la publicité, ben non, pas de stage diving ni de stage diving, mais bien des beaux body surf durant Descendants. Oh oui, de l'amour pour la crowd, des punks après les publicités. À tout de suite. Découvert lors des Francouvertes de 2016, Mandou Seigneur présente son premier album homonyme paru le 8 septembre. Découvrez des textes aussi bruts que sensibles. 10 pièces qui respirent et qui vibrent comme un début de révolution. Mandou Seigneur, disponible partout, dès maintenant. Pour toutes les dates de la tournée, visitez lemandouseigneur.com. Cette capsule est présentée par Promotion Propaganda qui vous propose cette semaine. Joignez-vous à nous pour la deuxième édition du Yoga Immersif présenté par Yoga Tribes et Sound Off pour une journée entière au Bassin Peel à Montréal le 9 septembre. L'événement Yoga Immersif tire profit de la technologie sans fil Sound Off et offre une expérience unique et personnalisée qui vous plaira à coup sûr. Réservez sur www.yogatribes.com. L'admission sur le site est gratuite et vous pourriez courir la chance de gagner une retraite de yoga en Tunisie. Rendez-vous le 9 septembre. Danakil, groupe phare du reggae français, revient enfin mettre le feu à Montréal avec un nouvel album, La rue résonne. Rendez-vous au Théâtre Fairmont le 29 septembre. Visitez letheatrefairmont.ca pour infos et billets. Pour savoir ce qui se passe dans le monde culturel et urbain, consultez nos différents présentoirs partout à travers Montréal. Promotion Propaganda, c'est la culture à portée de main. Pop Montréal célèbre son hashtag Sweet 16 et tu es invité. Joins-toi à la fête du 13 au 17 septembre avec plus de 400 groupes de musique, arts visuels, films, artisanat, conférences, ateliers, barbecue et beaucoup plus. CISM, Brasserie Donham et La Bête présentent du 28 au 30 septembre prochain le festival Agri-Rock. En plein centre-ville de Saint-Hyacinthe. Keith Kuna, Chocolat, les Breastfeeders, Duchess 16, Antoine Corriveau, Louis-Philippe Gingras, Gab Paquet et plus. 20 artistes, 10 lieux, 3 jours. À 45 minutes de Montréal, vous pourrez partir sur le YOLO à la conquête des terres mascoutaines. Non pas pour aller voir l'expo agricole, la vache Hublot ou les fluides de Starbucks. Ça implique de simplement amener ta sensualité, ton soivé et ton mulet coquet. Un festival de musique émergente pour tous les goûts. Vous écoutez CISM 89.3 FM. vous aurez peut-être reconnu, et oui, du Nicolet. Et pour les oreilles les plus aiguisées, vous me direz, mais Jolene, ce n'est pas le plus récent album Hochelaga que tu nous as fait écouter. Effectivement, parce que je veux que tu y sois en personne à la place au lancement de Nicolet au White Wall Studio. Ça se passe ce soir dans le cadre de Pop Montréal. Et oui, tu écoutes toujours Critique de Crowd avec Jolene. Et oui, tout plein de suggestions de Crowd pour toi, cher auditeur de la marge. Parce que, ben écoute, je parle de Crowd, fait que c'est le fun aussi d'être dedans, puis de l'apprécier et d'écouter de la bonne musique, ou de voir de la danse, parce que là, je suis complètement en train de passer à côté. Puis là, je me mords les doigts. En ce moment, se passe le festival Quartier Danse. Si je me trompe pas, c'est jusqu'au 17 septembre. Fait que, grouillez-vous, tout comme moi, capotez. Et il y a une couple de places à l'extérieur. C'est supposé être gratis. Vérifions le tout sur le site Internet. Et je dis vous, je dis moi, je vous le repartagerai sur le Facebook de Critique de Crowd, promis. Et là, on dirait que je capote parce qu'il y a vraiment beaucoup d'événements cette semaine. Je peux pas nommer tous les spectacles déjà à la base là à Montréal, mais tu sais, ça va comme de Katy Perry à Dark Tranquillité. Tu vois, je peux pas y aller de le dire en français, tranquillité, je peux juste le dire en français, pas en anglais. Fait, en plus, je l'écoute pas comme Ben pour être bien franche, là, mais vous aurez compris qu'il y a trop de Ben, ça m'a fait déparler, et que là, il va falloir se concentrer parce que, ça finit plus. Et entre autres, ce soir encore, ben, tu peux l'écouter en direct, sinon tu peux y être en personne au spectacle de l'Université de Montréal. Ben oui, ils célèbrent la rentrée avec Premier Toit à la Claire Ensemble et Valère. Sinon, jeudi, ça c'est encore aujourd'hui. Oui, l'ami, c'est King Woman à la Vitrola, et il y a aussi des OCs qui sont devenus juste OCs avec Chocolat ou La Tulipe. Vendredi, Zen Bambou dans le cadre, encore une fois, de Pop Montréal, et ils vont jouer au Jardin Gamelin. Je t'ai fait la critique bien, bien récemment de Comeback Kid. Fait que si ça te donne le goût d'aller mocher puis t'énerver façon hardcore, ben vas-y gaiement. Il va aussi avoir Counterparts et Stray From The Paths. Ça se passe au National. Samedi, Elodie va être au Centre Phi. Et sinon, je vous suggère un peu souvent, et c'est tout à fait dommage que je vous suggère pas assez souvent le Cheval Blanc, mais cette fois-ci, je vous le dis, samedi, Chasse Pareille vont jouer leur jolie toune. Dimanche, Decapitated vont jouer avec Thy Heart Is Murder au Théâtre Corona. Et si vous êtes plus vous avez envie de vivre des émotions tristes, mais fortes et puissantes, bien sûrement que vous allez voir Monterrey, encore une fois dans le cadre de Montréal, à la Fédération ukrainienne. Lundi, Half Gang Wings vont jouer au Théâtre Fairmount. Mardi, c'est yes! Ben voyons donc! Fait que si vous y êtes, je suis quand même curieuse, ils vont jouer au Théâtre Saint-Denis. Et finalement, je reviens à la danse. C'est une Montréalaise, Anne Plamondon, qui va présenter Mécanique Nocturne à l'Agora de la danse. Alors voilà, on va continuer en musique avec les chansons du palmarès francophone. Alors, Corridor et Betrayers. We'll be right back. Ah, que de bonne musique il y a sur le palmarès. Vous avez entendu Coup d'épée de Corridor, 5e position. Et sinon, c'était Betrayers. Oh, en passant, seule chanson francophone de ce merveilleux album, Do Songs for Haunt You. Et celui-ci se retrouve en 18e. Pour toutes les autres, et même complètement un palmarès en anglais et instrumental, ben, va sur le site CISM893.ca. Sinon, il y a tous les podcasts. Ben oui, de critiques de crowd pour ceux qui en manquent. Mais aussi de toutes les autres excellentes émissions de la station. Et oui, tu écoutes toujours Critique de Crowd. Et comme je t'ai dit, je suis vraiment heureuse d'avoir vu Descendants. Puis en même temps, c'est le genre de... Oh mon Dieu! Ça, c'est le genre de critique de crowd où je m'auto-stresse. Je m'auto-stresse parce que c'est quand même un band qui existe depuis 40 ans et que je le sais. Je suis pas persuadée, là. Je sais complètement que des gens qui sont plus fans que moi du groupe, des gens dans la crowd, que c'est un moment important et je suis heureuse d'être présente, mais ce sera jamais la même ampleur, le même amour que je pourrais partager que si c'était le band de ma vie, parce qu'il faut le dire, Descendants, c'est un band qui, oui, marque les cœurs des punk rockers, mais qui a aussi marqué parce que, oui, c'est un band qui a fait beaucoup de pauses, qui... Bon, pour partir du début, oui, il existe depuis 77. La formation, ben oui, a changé de membre, mais surtout pris, ben disons, sa vraie forme quand Milo est arrivé en tant que chanteur. Je trouve ça tellement cute. C'était comme un fan, puis après ça, ils l'ont additionné, puis ils ont fait comme, ah ben, tu vas faire partie du groupe, et le logo du band, ben c'est Milo, ce cher homme qui partage sa vie entre la biochimie et la musique. Alors, il fait de la biochimie moléculaire, puis sinon, ben ouais, il chante du punk rock, puis il a marqué la scène hardcore. C'est fou quand même. Moi, ça me fait capoter leur histoire quand même. Mais il faut le dire parce que l'album Milo Goes to College, c'est un album marquant des années 80 sur la scène hardcore. Ça a marqué toutes les autres sons punk qu'il va avoir par la suite. Tu sais, des référents de Descendants dans Blink-182, NoFX, Green Day, Pennywise, Propagandhi, Rise Against. Tu sais, on pourrait les nommer tout plein les bands des années 90 qui ont été fortement influencés par Descendants. Et en même temps, ben c'est ça, moi je suis née des années 90, alors... On dirait que ça va tout le temps en reculant, ouais, quand on apprécie des groupes. On aime le groupe, puis après ça, on recule dans qu'est-ce qu'eux, ils ont aimé. Et le pire dans ça, je pense que j'ai commencé à écouter du Descendants à cause qu'il y avait un gars à mon école qui avait un hoodie de Descendants. Vraiment, l'imagerie du groupe est simple, est forte, parce qu'on s'en souvient. Elle est à l'image de Milo, puis... c'est attachant. Il y a quelque chose comme ça. C'est attachant, mais la musique, ouais, reste sage, reste jeune. Et je vous le dis tout de suite, dans la crowd, c'était varié. Pour moi, ça prouve l'intemporalité du groupe et comment ça touche finalement tous les amateurs de musique punk qui ont été bien patients, hein, parce que depuis Cool to Be Cool. Ah non, attends, répète, Jolene. Cool to Be You. Ça a été sorti en 2004. Alors oui, ça a été bien long avant leur album qui est sorti l'année dernière. Ah mon Dieu, hey, je les parle depuis tantôt, fait qu'imagine comment je vais mal prononcer Hypercaphium Spacinate. J'y suis arrivée. Alors oui, ça a été quand même un moment de patience pour les fans qui ont aussi attendu le groupe. C'était bien dessus depuis 2010. Faut dire que l'album, ça a comme pris 3 ans là, où il faisait des allers-retours parce qu'il habitait plus à la même place pour pouvoir le créer, le produire. Mais j'ai l'impression que avoir des vies différentes, parce que les autres membres du groupe sont aussi dans le Ben Hall, ben que ça permet, je crois, d'être bien créatif avec Descendants ou bien libre, que ce soit un bon catharsis. Qui sait, de la biochimie. Oui, quand même un peu, il mentionne dans ses chansons. Alors, voilà. Oui, c'est un band incroyable. Puis, le pire dans tout ça, c'est pas juste que je sais qu'il y a du monde hyper fan dans la crowd, mais simplement le fait que j'étais fatiguée, c'est drôle. Avant d'aller au show, je suis passée sur Saint-Denis pour juste voir les installations de Oomph. Il n'y avait pas de spectacle, fait que je peux même pas vous faire une critique de crowd. Genre, j'ai vu un mur d'escalade. Ah, méchante crowd! Ouais, il y a comme 2 personnes. Ça, c'est plus ou moins une crowd. Surtout quand il y a une personne qui grimpe puis l'autre qui tient une corde. Sur ça, l'escalade, à part la grimpe en montagne qui peut se faire en groupe, je pense que c'est comme le sport le plus anti-crowdien. Et peut-être même le moins sociable, parce que, moi, j'aime ça l'escalade, mais tu sais, faut toujours que tu trouves un ami qui tient ta corde. C'est-tu pas l'activité sociale la plus plate, comme à demander, veux-tu venir tenir ma corde pendant que moi, je m'amuse? Ben ouais, en alternance, c'est sûr. Faut trouver comme quelqu'un qui a pas le vertige. neige. Alors, faut pas avoir trop d'amis, ouais, qui ont peur des hauteurs. Ah, des drôles de problèmes où vous allez me dire, ouais, comme de fait. Mais pas aussi simple comme problème que tout simplement être fatigué. C'est niaiseux, là. Je me suis dit, faut absolument que je fasse une sieste avant d'aller voir Descendants. Je l'ai pas faite! Puis je le sais que ça a marqué ma critique de Crowd, parce que je pense qu'il y avait comme une espèce de... un petit halo, un petit comme nuage brumeux dans mon regard, en appréciant complètement le show, mais oui, en le voyant peut-être à des yeux pas demi-clos, mais un petit peu fatigué. Sur ça, on va écouter des chansons qui parlent de dormir! Jésus les filles avec Dormir et Dormir sous de Mom Jeans sur les ondes de CISM avec Critique de Crowd qui n'a pas fait de sieste avant d'aller voir Descendants. Peut-être parce que ça faisait pas très punk de faire une sieste, mais c'est très punk d'être en forme pour trasher. Ah, chacun ses combats, vous allez me dire, effectivement. Et c'était aussi peut-être dernière visite dans, oh mon Dieu, le Métropolis. À quel point c'est polémique, hein, que ça change de nom, le MTLUS. C'est surtout parce que c'est particulièrement laid, comme, oui, on garde un peu le Métropolis dans un M avec un beau nom de commanditaire. Aïe, aïe, aïe, on dirait que je pourrais vous en parler longtemps et si peu. Sur ce, je résumerai en disant que les rénovations sont pas finies. Mais non, en arrivant là-bas, j'entends comme des... du bruit qui me paraissait comme un test de drum. Puis là, je trouvais que ça commençait à être tard de faire des tests... pour des tests de son pour les groupes de musique, tu sais, comme... Je suis arrivée à l'heure, pour une fois, mais je suis arrivée pour la première partie, Barry Tax, puis je me suis dit, ça se peut pas, tu sais, le monde, on commence à rentrer dans la salle. Ben oui! C'est parce que c'était, ben, une drill électrique! Et c'était quand même, c'était facile de confondre, tu sais, derrière un gros plywood qui cache l'ancienne billetterie. Ben, il se passe des affaires. Fait que moi, j'ai eu juste l'imagination pour penser d'autres choses. Mais, ouais, j'ai eu rumeur, comme quoi, ça allait être tough qu'elle ait travaillé jour et nuit pour arriver à tout rénover. Fait que là, ben, il va falloir que j'y retourne juste savoir à comment ressemble le nouveau MTLUS Metropolis. Alors, oui, comme de fait, je suis arrivée à l'avance, dans cette bonne ambiance de... Il y a quelque chose de léger, tu sais, le nouveau. On dirait comme le matin, là, avec la rosée, arrivé au début d'un spectacle. Quelque chose de... Il y a pas encore la grosse humidité sale de sueur, de... on a eu chaud puis on a trippé. Ah, c'est léger, c'est doux, c'est délicat. Ah, l'énergie de début de spectacle. Une petite frénésie, un petit peu, un petit peu. Et surtout, bien des gens qui entourent la table à merch. Ah, quelle belle table remplie de vinyles, les beaux macarons un peu partout. Toujours bien placés, à équidistance. C'est si beau, c'est si propre, c'est si neuf, j'espère que c'est neuf, là, quand, ben, quoique, des, du stock usagé, genre, en vente durant le spectacle, ce serait très écologique. Je vous le propose, Ben. Ce serait fort agréable, mais peut-être que certains en perdraient l'attrait. Ah, c'est à suivre, c'est à suivre. Mais ça m'a surtout rappelé, en regardant la table de merch et les gens qui achetaient tout de suite les vinyles, surtout les vinyles, comment on n'était pas le même type de mélomane, d'appréciateur de spectacle aussi. Parce que, quand t'achètes un vinyle au début du show, on s'entend que tu peux pas t'énerver. Là, je veux dire, ah mon Dieu, la tragédie qu'il y aurait de quelqu'un qui décide d'être à la fois le spectateur énervé dans le mosh pit et celui qui voulait absolument avoir son vinyle pour être certain que ce soit pas en rupture de stock, tu sais. Fait que là, il pleure en faisant comme, on a cassé mon vinyle parce que j'étais dans le mosh pit. Puis là, on dirait, t'as cherché ton malheur, effectivement. Mais, ah, c'est pour moi, ça... Tu vois, ça me titille. Je me dis comme, me semble que les achats peuvent attendre. Parce que j'aime ça être peu encombrée pour un spectacle. Parce que je sais jamais ce qui arrive. Que je m'énerve ou non, je veux être prête à tout. Tu sais, quelqu'un tombe sur la tête, faut que t'aies les mains libres, là, que tu le rattrapes, quelque chose. Ben oui, je suis, je t'habitue aussi au spectacle où on peut être comme, ah, vents et marées, là, les intempéries, là, c'est dangereux. Fait que je suis prête, je suis à l'attaque. Tandis que là, je me disais, mais c'est clair que le gars qui a acheté le vinyle au début du spectacle, c'est tellement un mélomane qui va être au balcon, qui va être assis, va être posé avec son petit drink ou pas pantoute. Mais ouais, on n'a tellement pas la même façon de consommer notre musique et on tripe sur les mêmes bands puis on est aux mêmes places, au même moment, mais... Puis même pas pour la même, tu sais, pour la même raison, parce qu'on aime le groupe, parce qu'on veut être présent, mais on l'apprécie zéro de la même façon. Je trouve ça beau, merci, merci de me rappeler comment dans la crowd, les gens apprécient la même chose, mais de façon différente. Ben oui, j'aime ça que tu l'apprécies, ton vinyle. Sinon, la première partie, c'est Barry Tarax. Là, cette fois-ci, j'ai le droit de quand même avoir un certain problème à le nommer parce que c'est un groupe basque qui ne chante qu'en basque. Et vous voulez un exemple? En voici un. Effectivement, c'était fort sympathique, Barry Tarax. Et groupe quand même qui existe depuis 1994, qui ouvrait le spectacle. Alors, découverte, oui, vraiment pour moi. Mais je me dis que, mon Dieu, depuis le temps qu'il existe, sûrement que d'autres dans la crowd devaient les connaître. Ce qui est ingrat, ben oui, première partie sur trois groupes, ou même première partie, point. Oui, ça peut être une découverte, ou ça peut être tout simplement le moment où la crowd arrive. Fait que t'es comme un peu... le moment tampon de la soirée où tu le sais que les gens sont pas vraiment venus pour toi, il y en a, ils t'écoutent quand même. Je veux dire, la crowd, c'est sûr que le parterre à demi rempli, c'est parce que c'est la première partie. Ça, j'ai l'impression qu'à chaque fois, je vais vous faire une critique de crowd d'une première partie, c'est un peu toujours la même chose, comme Ouais, l'ambiance commence. Ben oui, il y a un gars qui se dandine. Il se dandine façon laveuse, tu sais. Il se tourne le flanc là, de gauche à droite avec une certaine rotation. Là. Ben oui, il fait la laveuse de tout son corps. Mais de façon générale, c'est pas la folie furieuse. Là. C'est tranquille. Qu'est-ce que je te dis? Je peux pas l'inventer. Par contre, je trouve qu'il se donne tout un défi parce qu'il y a une chanson vers la fin de leur set où le chanteur demande le silence. Oh... Déjà demander le silence, ça peut être laborieux. Des fois, ça arrive jamais. Hein. Espère pas que la personne qui parle là, de sa fin de semaine au bar là, avec son drink va cesser sa conversation juste pour tes beaux yeux. Fait que, cette fois-ci, la première partie, j'étais comme... Iiii! Les gens en avant, effectivement, étaient silencieux. Mais dépasser, tu sais, la deuxième partie du parterre, plus au bord. Ah non. On l'entendait, là, la foule, pas qui murmurait, mais tout simplement leur voix au loin. Et je me suis dit, ben oui, c'est sûr que c'était compliqué un peu comme première partie, parce que, ouais, l'intérêt, la foule, la compréhension de la chose, là, était de ça peut être long, hein, de faire des tchut-tchut pour tant du monde, pour vrai. Mais s'il fait tout le temps ça... Spectacle après spectacle pendant la tournée. Mais il semble qu'ils doivent trouver le temps long, genre. Ils doivent pas trouver que la crowd est pas très réceptive. Ils doivent pas faire comme, ils se taisent jamais, je suis triste, ils se taisent jamais. Mais il me semble qu'ils changeraient de thématique, d'idée, de concept. Surtout que leur chanson, oui, est très calme. Puis elle peut avoir des sons tonitruants, là, comme ça alterne beaucoup. Fait qu'en même temps, d'être silencieux pendant que ça varge, ben, ça paraît pas. Juste ça de même. Hey, des belles tentatives quand même, mais juste me dis que ça doit créer de la frustration. Sur cette frustration, on va écouter Tchut de Navet Confit. Pas la peine de parler plus fort, j'ai déjà compris. C'est pas la peine de rire plus fort, on a déjà entendu. Pas la peine de faire le mort, pas la peine de te dire qu'il est temps. Tu vas continuer de parler toujours un peu trop fort. Menzigneuse, je le mentionne déjà parce que j'oublie de vous déprésenter Navet Confit. Menzigneuse, je suis encore peut-être sur la surprise. Oui, groupe qui précédait Descendants. Oui, ils vont bien jouer avant eux. Ils vont bien les présenter. Mais écoutons-en et vous allez comprendre pourquoi il y a quelque chose qui me titille. Just a half a pack of smokes, bottle of clear eyes, an appetite. We were pillaging the the Turkey Hill on Main Ave and West Side. When you guess the only thing we had to fear would be flashing the lights. Ah, je crois que vous avez eu un assez long extrait de ce groupe américain formé depuis 2006 et qui, tout comme Descendants, a des albums qui ont été signés sur Epitaph, a bien des points en commun. Oui, il y a la sonorité pop-punk aussi qui les rassemble, mais c'est particulièrement, plus pop même que punk rock, mettons. Mais c'était drôlement énervé! Aïe, aïe, aïe! Dès la première note, vous aurez compris, là, musicalement, oui, il y a quand même la variété pour qu'il y ait des chansons où les gens pourraient se pousser un peu plus fortement, mais ça fonçait dans le tas! Oh, l'excitation était à son comble dès le début, mais quand même, le pit s'est agrandi à la deuxième chanson, ça a pris des formes un peu plus ovales, mais vraiment, l'énergie m'a surprise! Parce que par rapport à la musique, je sais pas, moi je m'attends à des gens qui sont sur place, qui soient heureux d'être contents. Je sais pas, mais il me semble qu'il y a pas tant de frustration là. Comme chanson de catharsis, je n'aurais pas choisi Mendigneur. Non, mais c'est vrai. Je me suis posé bien des questions en regardant la foule. Je me demandais si le il y en avait qui aimaient vraiment de Mendigneur là, sans dire qu'ils sont venus, quoi que j'ai une amie qui est venue expressément pour Mendigneur là, fait que c'est quand même je vous le confirme, mais même si pas nécessairement des gens se sont pointés au Metropolis pour The Mendigneur, bien plutôt pour Descendants, oui, il y a des gens qui sont fans puis qui étaient vraiment heureux d'entendre les chansons. Je vous le dis, derrière moi, il y avait comme un cœur. Il y avait un gars puis une fille qui se connaissaient pas. Là. C'était vraiment en surround, là, comme un à gauche puis l'autre à droite, qui chantait toutes les chansons, vraiment par cœur. Et c'est drôle parce qu'il y avait pas du tout la même attitude, comme la fille, elle avait les bras croisés puis le gars, il avait les poings en l'air. Ouais, il y avait une certaine qu'on retrouve pas tant dans la musique, puis j'essaie de le comprendre, puis la seule explication que j'ai sincèrement, c'est que les gens sont fans puis qui aiment la musique, puis que c'est leur enthousiasme qui est plus débordant même que la musique en tant que telle, qui je la trouve propre, mais celle la crowd est pas si propre que ça. Je trouve ça quand même intéressant comme constat. Puis le thrash est relativement classique, là, comme poussé, rien de hardcore ou rien de très, ou j'allais dire d'exubérant, et je vous mentirais à une personne près. Puisqu'il y avait, je le connais pas. On s'est à peine jasé durant 77, le festival qui a eu lieu, mon Dieu, c'était au mois d'août, le temps passe si vite, au parc Jean-Drapeau. Un gars, là, phénoménal. Tu sais, il est énervé à tous les spectacles, il aime toutes les bands. Il est incroyable. Et cette fois-ci, je l'ai reconnu parce que, il y a une tête sympathique. Des fois, il y en a qu'on se retient plus que d'autres. Mais il faisait des moves de ballerine. Il faisait vraiment comme l'auréole, là, tu sais, ses bras au-dessus de sa tête. Si je me trompe pas, c'est la quatrième position de bras. Confirmez-moi, amateur de danse classique, tu peux même appeler au 514-343-2476 pour me confirmer les positions de base du ballet. Mais ouais, il faisait la ballerine! Il faisait la ballerine dans le crowd! Oh mon Dieu! C'était inhabituel, c'était exotique, c'était un peu fascinant parce que le gars, il est incroyable. On dirait qu'il fait la foule à lui tout seul. Il est en chest. Déjà, tu sais, le Descendants n'a pas encore joué. Il va avoir encore plus chaud tout à l'heure. Lui, il est en bédaine. Puis, on a l'impression que des fois, il imitait un oiseau. Ouais, il aime beaucoup utiliser ses bras, visiblement, de façon originale. Fait qu'il imitait un oiseau. Ou ben donc, il essaie comme de juste compacter la foule. Ou peut-être qu'il voulait un câlin collectif, là. C'est encore à définir. Ça, c'était moins clair que la ballerine. Reste que... Ça reste, ouais, un trash classique avec un élément ludique à l'intérieur. Ce cher garçon qu'il va falloir y jaser. Il va falloir que je l'invite à l'émission. C'est clair. Un jour. Et sinon, autre peut-être fait marquant, mais elle était dans le pit, mais ça, elle était pas en train de pousser tout le monde, là, parce que je crois que ça aurait été carrément dangereux. Une fille, quand même, en talons aiguilles. Je crois que c'est la première fois que je le remarque, et c'est même pas moi qui l'ai remarqué, c'est mon ami, était comme « check ses souliers », puis elle est dans le pit. J'étais comme « oh mon Dieu ». Déjà, j'en porte pas dans la vie, parce que je suis pas capable de marcher avec ça, fait qu'imagine, juste danser, puis un peu pousser du bras quelques personnes, là, pour le bon plaisir. En talons aiguilles, pas en talons hauts, en talons aiguilles! Aïe, aïe, aïe, c'est une acrobate. du pied et du pit. Ça, c'est assez clair. Mais félicitations. Elle s'est pas bêchée. Il n'y a rien arrivé. Fait que pour moi, c'est une athlète en soi. Alors, voilà. Hey, je serais quand même curieuse de revoir Menzingers. Juste voir comme la crowd doit être encore plus énervée à leur spectacle, même si je trouve que pour la musique, ça me surprend encore. Mais c'est à suivre. C'est à suivre. On va aller écouter au nom de notre chère ballerine du Violette Pie. Buffin, ballerine de Violette Pie sur son album Eve. Vous écoutez toujours Critique de Crowd en cette critique de Descendants. Ah, quelle belle arrivée sur scène avec Milo. Oui, ils nous jasent et ils nous disent bien des affaires, mais surtout ça commence en force parce qu'il va mettre. Everything sucks today! Ben oui! Fait que pour moi, ça a comme commencé plus qu'en force. Déjà que c'est une de mes chansons préférées, ben ça a déclenché un pit. Tu sais, déjà, tu le sais que c'est le genre de show que à la seconde près qu'il va y avoir de la musique, ça va trasher. Mais là, ça le confirme encore plus en énergie. Et ça va être un pit, je crois que là, c'est juste une question d'organisation, là, mais tu sais, quand il y a un pit qui est en forme de pinot, ben, des fois, c'est juste une question de communication dans la foule. Tu sais, il y a trop de monde qui ont voulu s'énerver en même temps, fait que là, ça donne comme deux pits plus ou moins proches. Ah, ça se rassemble! Et très peuplé. C'est peut-être aussi parce que les pits, ou juste comme la foule, l'énergie a quelque chose de, pas de diffus, parce qu'on a vraiment affaire à de l'enthousiasme, de la joie, puis le monde sont dedans. C'est que l'énergie de pits va au-delà du pit. C'est comme parsemé un peu partout de chaos, de ce bon chaos punk, de gens là qui ont envie soudainement là de rentrer dans le pit, qu'ils soient à l'autre bout de la salle ou juste à côté, puis ils vont te pousser peu importe là, la distance, puis c'est bien correct que tu me pousses parce que tu as la seule et grande motivation de aller dans le pit. Vraiment, je sais, il y en a, ça les gosses, là, quand tu t'es tranquille dans ton coin dans le crop, il y a du monde qui te pousse pour pas tant de raisons, mais je trouve quand même que c'est pardonnable. Tu veux aller t'amuser avec les amis et aller poussailler. Je trouve ça légitime. Et pour moi, c'est un peu, quand je dis que l'énergie va au-delà de juste le pit, c'est un peu comme les zones tampons. Tu sais, des fois, il y a l'espace du pit en tant que tel et ce qui l'entoure, c'est plus ou moins clair. Ou des fois, c'est juste de l'espace où il y a personne parce que les gens veulent pas tant être accrochés. J'ai l'impression que l'espace tampon était un peu partout dans la salle et plus large aussi à l'intérieur du pit parce que tu peux être à l'intérieur puis prendre ça relax. Ouais, c'est un grand mot, là. Mais quand même, de pouvoir voguer à l'intérieur à différentes énergies. Et parlant d'énergie, c'est dur de passer à côté de vous jaser de celle de Milo. C'est fou! Tu le regardes, puis ben, il a l'air de mon oncle, tu sais. Il a l'air de ton oncle à Noël, là, qui a une vie fofolle, mais il t'en jase jamais. C'est lui! Moi, je sais pas pourquoi je pensais à Noël. À chaque fois que je le regardais, c'est bizarre, hein. Il ressemble pas au Père Noël ni rien. C'est juste comme quelqu'un qui a différentes facettes. Déjà, c'est lui complètement, tu sais, la biochimie et la musique. Mais oui, dans son visage, je veux dire, ils sont dans la cinquantaine, là, ça paraît. Dans leur peau, on la voit, le temps qui a passé, l'âge. Mais l'énergie, juste la façon qu'il tient son micro, là, bien hardcore, là, tu sens, c'est encore là, c'est fort, il est penché, il est avec la crowd, il est bien en avant, il se promène. Je trouve que il est encore d'une vivacité, là, qui n'est synonyme de jeunesse. Il y a quelque chose de, quand on disait que les albums étaient intemporels, mais je trouve aussi que dans son énergie, il y a ça. Il y a quelque chose qui reste éternellement jeune, vivant, c'est revigorant, là, quasiment le regard. Puis c'est pas compliqué, là, tu sais, ils gesticulent pas 1000 fois, puis ils sont pas partout, là. C'est juste sa présence. Oui, je la trouve bien forte. Et, oh mon Dieu, tu sais, oui, avec le logo, on pense beaucoup à ses lunettes. Puis, oh, dans le pit, il y a un gars qui a cassé ses lunettes. Sachez-le, tous ceux qui portent des lunettes, faites comme Milo et faites comme tous les gens de la crowd qui prennent quand même certaines précautions. Ça existe, il y a des élastiques pour le sport, là, tu le mets dans ta branche de lunettes, là, puis ça tient! Mais lui, il a porté Milo durant le spectacle. Mais dans la crowd aussi, tu devrais en porter, parce que j'en porte pas, mais je sais que c'est cher. Enfin, à chaque fois que je vois ça, je suis comme, oh non, c'est trop triste. Là, tu voyais le gars gosser en se disant, peut-être que ça pourrait tenir, juste une branche, comme, non, ok, prends pas de chance, là. Tu lâches plus ou juste comme ça. Ouais, c'est vrai, ta soirée est un peu gâchée. Oh non, faut pas gâcher une soirée. Tandis qu'elle est, oui, si belle. Et là, je parle de jeunesse et d'intemporalité. Est-ce que dans la crowd, oui, je vous en ai parlé, de l'âge, je vous dirais qu'elle est peut-être en gradation. Peut-être quand même plus jeune que je l'aurais cru. C'est sûr qu'en avant dans le pit, oui, ça va être plus jeune qu'en arrière dans la crowd. Mais ouais, encore une fois, je le répète, pour moi, je dirais que la variété d'âge qu'il y avait dans la crowd et le fait que ce soit jeune montre surtout que c'est un groupe qui est vraiment marquant de la culture dans laquelle il fait partie. Dès que t'es fan de ce genre-là, tu vas le découvrir. Et oui, mais sinon, dans la crowd, c'est bien fun. J'ai pas body surfé, mais j'ai trouvé vos body surf très beaux, parce que je trouve que ces temps-ci, dans la vie, là, on est tout le temps rendu à comme on body surf juste en avant, parce que je sais pas, le monde en arrière, ils ont pas envie de te soutenir, ils ont pas les bras pour ça. On finit tout le temps par aller voir le gardien en avant qui nous récolte, là. Nous récolte tel un fruit qu'il nous dépose sur nos deux pattes. Et là, je sais pas, il y a quelque chose d'un peu redondant. Tandis que là, j'ai trouvé que c'était un peu plus aventureux. J'ai réalisé que les body surf partaient d'un peu partout dans la crowd quand il y a quelqu'un qui m'a juste tenu la tête. Enfin, il était complètement derrière moi, puis j'étais pas si en avant que ça. Je me suis un peu promenée durant le spectacle. C'était mollo, là, rien de hardcore où le monde se fonce dessus pour body surfer un peu n'importe comment. Aucun, bon, non, pas de stage dive. De toute façon, la salle est pas vraiment faite pour ça. mais aventureux dans le sens où ça pouvait pas juste être en avant, ça se promenait un peu partout dans la crowd, pas exagérément là, ça allait pas si en arrière que ça, mais plus que bien des spectacles que je peux assister. Alors là-dessus, merci, ça c'est le fun, même si ouais, effectivement, faut un petit peu user de notre huile de coude et soulever le bras pour pouvoir aider nos camarades dans la crowd, c'est sûr. Mais quand justement, tu sais, quand c'est pas tout le temps les mêmes personnes qui ont à supporter le poids de 10 000 personnes, il me semble que c'est plus facile d'être généreux une fois de temps en temps que continuellement durant ton show, puis tu commences à être fatigué. Ouais, là, je comprends. Sinon, ouais, quand je parle de chaleur, pas spectacle, là, même durant, genre, si la face du monde était wet, on était tout un peu humide de la peau, proche, pas proche du pit, là, c'était collant un peu partout. Et ça n'a pas rapport avec l'humidité. Mais je le mentionne parce que, oui, avec la légalisation du pot, je sais pas, ça va être quoi les consommations dans la salle. J'en parle peu parce que je trouve ça anecdotique. Mais la consommation de cigarettes, on en parle! Tu sais, c'est rendu qu'on le veut toujours le plus loin possible, à 8 mètres de toutes les barres de 6 qui existent de ce monde. Tandis que là, il y a au moins deux personnes que j'ai senties, là, proches de moi, qui se sont allumées des smokes. Déjà, mon réflexe, c'est de trouver que tout était punk à Descendants, là. Fait que je trouvais ça très punk de fumer une cigarette en dedans. Mais à quel point, tu sais, il s'est pas fait prendre, ça, c'est quand même étonnant. Mais aussi, à quel point ça va être, regarder dans un drôle d'air. Tu sais, avant, peut-être que fumer des produits légaux, ça pouvait faire sourciller quelques-uns. Mais là, la cigarette est tellement devenue un objet diabolisé qu'on dirait qu'à Descendants, c'est juste comme, ah, c'est un vrai rebelle. Il fume pas n'importe quoi. Il fume une cigarette. Et je vous parle de cigarette aussi pour la simple et bonne raison que j'avais envie de vous passer cigarette de caféine. Mes clopes, mais en quelque funèbre qui me console. De son excellent album Porn Star, vous avez entendu Cigarette de caféine. Et voilà déjà la fin de Critique de Crowd et la fin du show de Descendants qui ont été vraiment généreux. Deux rappels pour ce spectacle. Des fois, on dirait, ça aurait pu être trois, mais non, deux, mais quand même bien chargé. Et c'est drôle, même au deuxième rappel, il y a quelqu'un qui m'a arrêté dans la foule, il a dit non, faut que tu restes ici parce qu'ils vont en refaire un, c'est sûr. J'avoue que deux, c'est impressionnant, fait que j'y croyais pas, mais ça s'est passé. Ils ont pu nous passer plusieurs classiques. Et ça a été aussi l'occasion pour quelques-uns dans la crowd qui n'avaient peut-être pas participé au pit et qui ont décidé là, de traverser la foule en poussant, comme je vous ai dit tantôt. On dirait que tu sais le sentiment de « mais quelle mouche leur a piqué? » Je sais pas si c'est la mouche de l'envie brûlante de participer ou juste qu'ils sont un peu comme « oh yolo, faut absolument que je sois dans le pit parce que sinon je vais le regretter le restant de mes jours. » Je le sais pas, mais tu es beau quand tu es précipité à participer. Merci, crowd. Et sur ce serait vraiment dommage de pas en écouter. Alors, I'm the One de Descendants sur l'album Everything Sucks. Je m'appelle Jolaine Ruet et c'est toujours un honneur d'animer sur les ondes de la marge. On se retrouve la semaine prochaine ou probablement pour un spécial pop. C'est à suivre. Si tu as des suggestions, les internets sont bien pratiques pour ça. Bye bye. Sont peut-être finis, mais pas votre progrès. Les diplômés du campus de l'Université de Montréal obtiennent 20% de réduction sur l'abonnement au CEPSUM. Visitez cepsum.umontréal.ca pour tous les détails et inscrivez-vous dès maintenant. L'ambiance est toujours électrisante au match de football des Carabins. Soyez des nôtres le vendredi 15 septembre dès 16h pour le méga tailgate de la rentrée. Tous les détails au carabinsfootball.ca. Le groupe Stoner Pop Pony lance son nouvel album, album complet. Venez assister au spectacle lancement le 21 septembre, 20h à l'ESCO, avec en première partie Valérie Vonne. Le spectacle est gratuit à l'achat d'un album ou d'un t-shirt. Sinon, c'est un gros 10$. Album complet de Pony, disponible dès le 22 septembre. We knew I'm wrong. Le Festival international de musique pop Montréal revient cette année du 13 au 17 septembre 2017 avec une programmation électrique et explosive. Ostra, Royal Trucks, Sweatshop Boys, Rio Joubran, Mikey Diamonds et plus de 395 autres groupes. Rendez-vous sur www.popmontréal.com pour consulter la programmation et réserver vos billets. That's good coffee. That's good coffee. I'd like to introduce a totally different way of making coffee. Passez prendre dose torréfiée Hip-Hop Café Radio avec Sam Rick et Olivier Bro tous les mercredis de 7h à 9h sur les ondes sismiques du 89,3 FM, mon gars. Quand on prend une bière à l'éto-brasserie, il y a toujours de la bonne musique. N'est jamais trop forte! L'Étau offre plusieurs bières brassées sur place ainsi qu'une sélection des meilleures bières et spiritueux du Québec. En plus, la pinte de bière maison est toujours à prix réduit avant 19h. On y mange très bien pour un prix vraiment abordable, que ce soit pour souper ou pour le petit snack de fin de soirée, sans compter que le service y est toujours courtois et attentionné. Salut, t'as-tu le temps de regarder le menu un petit peu? Ouais, ben je veux savoir en fait. C'est vraiment la place pour sortir en gagne et avoir du fun. L'Étau Brasserie, la brasserie artisanale de Villeray. Métro Jarry, ETOHbrasserie.com. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Bon jeudi 14 septembre, vous écoutez Roche-Papier-Ciseaux sur les ondes de CISM La Marge.